Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça. Vive est complètement barjo, quoi. C'est anormal d'avoir un bateau qui se casse dans une vague. C'est une avarie qu'on n'avait encore jamais vue. J'ai du mal à y croire. Le plus important, c'est ça, c'est que Kevin est sain et sauf, il est à bord d'un bateau, il va retrouver bientôt la terre. Si on compare avec les temps de passage de 2016, le retard est considérable. J'ai du mal à croire qu'on puisse battre leur record. Damien Seguin, ce qu'il est en train de faire là, moi, effectivement, me scotche complètement. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode du Club VG20, le podcast à retrouver chaque dimanche pour débriefer la semaine du Vendée Globe avec les membres du club formés autour de Cap VG20. Le premier sociétaire du jour, c'est quelqu'un qu'on a déjà entendu de nombreuses fois ces derniers mois dans différents podcasts, Eric Nigon. Salut Eric. Salut. Et bienvenue au club. Alors Eric Nigon, navigateur, co-skipper de Clément Giraud, on va dire ça comme ça, et en quelque sorte d'ailleurs engagé sur ce Vendée Globe, puisque c'est sur ton bateau, Eric, que Clément est en course actuellement. On a déjà eu l'occasion de raconter longuement votre histoire. En un mot, comment ça se passe pour toi là depuis 4 semaines? Comment tu suis cette course? Comment tu suis Clément, évidemment? Eh ben, je suis Clément, évidemment, au jour le jour avec son équipe, hein, sachant que, comme tu disais, c'est mon bateau et que c'est parfait parce qu'on partage le même objectif, puisque son objectif de Clément, c'est de finir. Et moi, mon objectif, c'est qu'il ramène mon bateau, donc ça converge parfaitement. Donc, non, tout va bien. Il est prudent, il apprend sur le bateau. Il y a beaucoup de modifications ont été faites le mois précédent le départ, et donc il y a un peu de rodage. Donc voilà, il passe un petit peu de temps, parfois sur la quille, parfois sur le mât, voilà. Donc, mais tout va bien, il prépare pour le Grand Sud. Et pour t'accompagner aujourd'hui, Eric, c'est Raphaël Bonamy. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis, bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Bienvenue au club à toi également, Raphaël Bonamy, journaliste sportif à Ouest France, longtemps en Vendée, aujourd'hui à Angers. Combien de Vendée Globe d'ailleurs à ton actif, Raphaël? Celui-là est mon quatrième. Joli palmarès. Trois avec le journal et un auparavant avec France 3. Et Radio France Loire-Océan, à l'époque où je collaborais pour ces deux médias. Et donc forcément, toujours très concerné par cet événement, on a eu l'occasion de se croiser évidemment sur le village départ, Raphaël. Bon alors, le concept de ce podcast, c'est de revenir sur ce qui vous a marqué, vous, membres du club, semaine après semaine. Vous avez retenu certains aspects de la course tous les deux cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de l'épisode. Mais avant ça, évidemment, si on ne doit retenir qu'un fait marquant de la semaine, tous, hein, vous comme moi, comme les membres du club VG20 sur Twitter, ce sera un épisode un peu particulier là au niveau des thèmes qui ont été choisis et qui vont être déroulés. Parce qu'évidemment, cette semaine, le Vendée Globe, c'était autre chose qu'une course. On a complètement dépassé la dimension sportive avec cet accident et ce sauvetage heureux, très heureux finalement, de Kevin Escoffier. Alors pour ceux qui écouteraient ce podcast mais qui auraient passé la semaine sur une autre planète, on parle donc du bateau PRB qui a été victime d'une immense avarie lundi après-midi aux alentours de 14h45. 2 heures après, on était informé de cet accident. Le message WhatsApp qu'on a reçu dans la boucle dédiée aux journalistes, il est précisément de 16h46 et il dit, je le cite, « Kevin Escoffier déclenche sa balise de détresse ». Donc là, à partir de ce moment-là, rien qu'avec ces quelques mots, on a compris que la situation était grave et ça va être le début d'une longue soirée, d'une soirée et d'une nuit très compliquée, avec la boule au ventre pour tout le monde. Chaque semaine dans ce podcast, je vous propose d'habitude d'écouter les meilleurs extraits du bord. Là, évidemment, pour cet épisode un peu spécial, je vous propose plutôt de revivre pendant 5 minutes le déroulé des événements de lundi après-midi jusqu'à ces dernières heures, raconté par ceux qui les ont vécus. Vous allez entendre par ordre d'apparition sonore Kevin Escoffier, bien sûr, mais aussi Jacques Carès, le directeur de course, Jean Lecam, le sauveteur, celui qui est arrivé le premier sur le lieu du naufrage, mais aussi Sébastien Simon, un des autres skippers déroutés, et enfin Emmanuel Macron, parce que cette incroyable histoire est remontée jusqu'au palais de l'Élysée. J'ai pris dans une vague. Et dans la vague, le bateau habituellement ressort, et là, au lieu de ressortir, le bateau s'est replié à 90, et c'est comme si on ouvrait les vannes d'un barrage, quoi. L'eau est rentrée dans le bateau et s'est montée très très vite, donc j'ai eu très peu de temps pour réagir. Le bateau s'est cassé en deux, littéralement. On a eu simplement un appel du cross-griné pour dire que la balise de détresse avait été actionnée, donc une demande prioritaire. Dans le même instant, un coup de fil de Jean-Marc Lefayère, qui est son team manager, qui nous annonçait qu'il a eu simplement un message très rapide. Je demande assistance, je coule, c'est pas une connerie. Donc ça s'est passé d'une façon hyper brutale. Un IMOCA, logiquement, ça ne peut pas couler. Et j'avais ça en tête. Je voulais rester sur le bateau le plus longtemps possible parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus safe. et je le voyais s'enfoncer très très vite. Donc j'ai sorti le radeau de sous l'eau pour le mettre sur le pont de cockpit. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le radeau, et j'ai pas eu le choix entre en fait rester sur le bateau ou aller à l'eau. J'arrive sur zone et puis nickel, je vois Kevin dans son radeau. Je lui dis je reviens quoi, on va pas non plus faire n'importe quoi. Bon, et après, une fois que j'avais tout bien nickel, je reviens sur zone et personne. Oh là là. Bon, je me dis bon allez, je suis revenu au moins 5-6 fois. Ça fait virement de bord à chaque fois, tu vois, avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon. Alors je me dis, bon ben maintenant, tu restes en stand-by là, et puis on attendra le jour. À ce moment-là, on a dérouté d'autres concurrents qui arrivaient sur zone. La DC vient de m'appeler pour aller secourir Kevin. Donc on est avec Jean Le Cam, Yannick Vestaven et Boris Herman. Il y a une mer très très forte. J'avoue que j'ai la boule au ventre. J'essaie de rester concentré, en tout cas voilà, je fais route vers Kevin et j'espère qu'on va le retrouver. C'est un moment que je redoutais un peu. J'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement contre le radeau. Je me suis alimenté avec les rations de survie, j'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. J'ai continué à penser positif en me disant que les mecs étaient sur zone, qu'on m'avait vu, donc je me suis dit panique pas quoi, il va forcément se passer quelque chose. J'ai essayé de dormir un petit peu aussi, mais pas trop pour que... Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour et là j'entends une voile claquer, j'ouvre le zip, je sors la tête et je vois Jean qui m'arrive droit dessus quoi. Là tu passes du désespoir si tu veux au truc de dingue quoi. Je vois Kevin et puis j'ai dit écoute. Il me dit, tu reviens ou quoi? Je dis, non, je reviens pas. On fait tout de suite. Jean me jette un boot avec une frite. Quand je dis une frite, hein, c'est un peu comme à la piscine. Vous savez, les frites qu'on se met autour de la taille là, pour jouer avec les enfants, c'est pareil. J'ai réussi à la récupérer. Je me la suis mis autour de la taille. Et je suis resté dans le bib où Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse la marrer sur le bateau et raccourcir la distance entre nous deux. Jusqu'à temps que je puisse, sauter... sauter le mieux possible et Jean m'a aidé à monter à bord et là je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement quoi. En 2008 j'étais le sauvé et là je suis le sauveur. Bravo à toute l'équipe aussi à terre avec Jaco et toute l'équipe qui ont été d'une efficacité redoutable. Le dénouement est presque miraculeux parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident de récupérer Kevin de nuit, en pleine nuit, donc Jean a un sens marin aussi très approfondi. Bonjour Président. Bonjour, alors ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Désolé, on déroge un peu aux règles de confinement en vigueur en ce moment, on se retrouve à deux, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ouais. Et donc, Monsieur le Président, yes, we come. Je le sais, et allez jusqu'au bout Jean. Salut à tous les deux, bonne mer et merci. Hein. Nous sommes à bord de Yes We Cam et bien évidemment, nous avons toujours la place pour un invité. Et voici, mesdames et messieurs, Kevin Escoffier, le rescapé. Kevin qui boit son café. Tout va bien. Alors Kevin, comment ça se passe à bord de Yes We Cam? Écoute, ça file tout droit. Ouais. Le café est bon. Ouais. On se plaint, quoi. Bon. On rigole bien. Et on mange bien ou quoi? Ah, super bon. Voilà. Clac, clac, clac. Et je vous embrasse tous. Allez, à plus et Yes We Cam. Yes We Cam, le nom du bateau de Jean Le Cam qui a pris tout son sens cette semaine, et ces derniers extraits envoyés par Jean et par Kevin nous ont largement redonné le sourire depuis quelques jours. On l'avait perdu forcément quelques heures en début de semaine. Si je vous parle de mon cas personnel, je vous demanderai, messieurs, comment vous avez vécu tout ça. Personnellement, j'en garde le souvenir d'heures hyper intenses, avec les dents serrées, avec un suivi minute par minute, quasiment seconde par seconde de la situation. Même si au final on n'avait pas tant d'informations que ça, mais en revanche sur Twitter en l'occurrence, un immense intérêt pour ce qui était en train de se passer, beaucoup de gens inquiets, beaucoup de gens qui posaient des questions. Donc à la fois un peu débordé, aussi très stressé parce que ce sont des épisodes qu'on n'aime pas suivre évidemment sur un Vendée Globe, heureusement qu'ils sont hyper rares. Et puis en plus de ça, Kevin est un des skippers un peu chouchou, on va dire, de Cap VG20. Si vous êtes des fidèles depuis des mois, vous avez eu l'occasion de l'entendre de nombreuses fois. Donc pas facile de continuer à travailler dans ces conditions tout en pensant très fort à lui et aussi beaucoup à son entourage. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir Sabrina, la compagne de Kevin, au milieu de la semaine. Elle a préféré ne pas parler publiquement aux médias pour le moment, et on le comprend évidemment. Elle m'a dit que le plus important, c'était de se remettre de ses émotions qui ont été, je la cite, d'une violence extrême, de reprendre une vie normale, de protéger les deux enfants de Kevin qui ont pu rapidement parler à leur papa d'ailleurs. Et puis Sabrina a aussi partagé elle-même une citation très mignonne de la petite Inès sur les réseaux sociaux. Je la cite là encore, « Il faut vite que Jean Le Cam dépose papa, sinon il va perdre la course, il n'a pas le droit d'être avec un ami. » Donc la petite Inès a 4 ans, mais visiblement elle a été bien informée des règles du Vendée Globe. Messieurs, vous, comment ça a été vécu de votre côté, Raphaël peut-être ? C'est vrai que quand j'ai appris cette nouvelle, le mot balise de détresse, tout de suite, effectivement, ça fait un peu peur. Et puis derrière, il y a tout qui s'enchaîne. On se demande, parce qu'on ne savait pas à ce moment-là que son bateau était coupé en deux. On parle d'une voie d'eau, donc on se dit que c'est une avarie qui est lourde. Et puis après, on entend radeau de survie, on entend des concurrents qui se déroutent. Donc là, on commence à rentrer un peu dans ce qui est le romanesque du Vendée Globe. C'est aussi ça, cette course. Il faut pas l'exclure, il faut jamais l'oublier. Et puis, on est un peu pendu aux nouvelles. Jean Le Cam qui se déroute et puis qui le retrouve pas, qui est équipé son moteur qui fait des siennes. Et puis trois concurrents qui arrivent. Et on se dit, comment est-ce que tout ça va se goupiller ? On sait que la nuit tombe, et j'avoue que le lendemain matin, lorsque j'ai appris qu'à 2h18 du matin, Kevin Escoffier était à bord, je pense que c'était un soulagement pour tout le monde. Et après, voilà, c'est le temps de l'analyse que tout le monde va avoir le temps de faire, surtout Kevin lui-même, l'équipe de PRB. Mais c'est un immense soulagement, et on voit que la solidarité des marins a fonctionné au mieux. Et j'ai envie de dire, le plus important, c'est ça, c'est que Kevin aujourd'hui est sain et sauf, il est à bord d'un bateau, il va retrouver bientôt la terre. Et l'histoire, j'ai envie de dire, se termine bien, mais c'est une histoire de plus du Vendée Globe. Bon, tu fais partie de ceux qui ont quand même réussi à dormir un petit peu cette nuit-là. Eric, toi de ton côté, comment ça s'est passé ? On s'est échangé d'ailleurs quelques messages tard lundi soir, je pense que c'était vers minuit. Moi, je commençais un petit peu à m'inquiéter à cette heure-là. Et toi, tu as fait partie de ceux qui avaient un discours plutôt rassurant et optimiste, en tout cas. Ouais, j'ai vraiment commencé d'abord par l'incrédulité, parce que des incidents de course, rencontrer des ovnis, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein, par contre, un bateau qui se casse aussi brutalement, c'est non seulement inattendu, mais assez incompréhensible. Donc, j'ai du mal à y croire. Après, le fait qu'il se retrouve dans son radeau, aperçu par Jean, c'était quelque part un petit côté rassurant. Et après, j'ai pas compris pourquoi tous les autres bateaux étaient déroutés et avec des objectifs de quadrillage de zone. Quand on sort dans nos bateaux, on est équipé pour tout cas quasiment. Et donc, on a en particulier, au-delà des balises qui permettent de se signaler à la direction de course et aux autorités comme quoi on est en perdition, on a aussi des petites balises de positionnement AIS qui permettent de repérer très facilement sur sa carte, sur son bateau, la position donc d'une personne qui a la balise sur elle. Donc la capacité à retrouver quelqu'un est relativement facile. Donc je n'ai pas compris, j'étais incrédule sur comment ça se fait qu'il n'a pas d'abord pu attraper son grab bag, donc le sac de sécurité, sur lequel il y a tout ce qu'il faut, il y a de la VHF, il y a téléphone satellite, donc il aurait pu communiquer, il n'a pas pu le faire. C'est ça qui je ne comprenais pas. Franchement, j'ai pas compris. Par contre, le fait qu'il y ait 4 bateaux sur zone qui quadrillaient, le fait qu'il y ait eu un premier contact, que la zone, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'heures entre le repérage et le moment où les recherches sont parues, donc j'étais pas très inquiet sur le fait qu'on le retrouverait au moins au petit matin dans la journée. Donc en effet, j'étais un peu rassurant dans la discussion qu'on a eue avec Alexis. Mais après, a posteriori, j'ai vraiment eu peur pour lui parce que on n'aurait pu pas le retrouver, quoi. J'ai du mal à croire qu'on puisse se retrouver encore dans les conditions comme ça après toute la sécurité et tout ce qu'on met en place sur nos bateaux pour éviter que ça se produise. Parmi les rôles que tu as auprès de Clément, il y a justement ce côté sécurité et préparation à toutes les éventualités. C'est une éventualité à laquelle on pense pas beaucoup, hein, un bateau qui se casse en deux en quelques minutes. Mais pour autant, est-ce que tu sais si Clément a été particulièrement touché par ce qui s'est passé, et notamment est-ce qu'il en a tiré des conséquences, des conclusions juste après, est-ce qu'il va agir un peu différemment, que ce soit dans sa manière de naviguer ou dans la disposition sur le bateau des différents éléments de sécurité. Ouais, il a été très touché. Alors c'est super, maintenant on peut communiquer entre skippers pendant la course par WhatsApp, hein, donc on est tout le temps en contact. L'inconvénient, c'est qu'on est aussi en contact quand il y a des problèmes, quoi. Donc ça veut dire que très rapidement, l'ensemble des skippers étaient au courant du problème de Kevin. Après, la première chose, quand j'ai discuté avec Clément, la première chose qui l'a rassuré, et c'est vrai qu'il a rassuré tout le monde, c'est qu'il a pu mettre sa TPS. À partir du moment où on est déjà équipé avec sa combinaison de survie, oui. Voilà, on est au pred, donc on est capable de tenir quand même un paquet d'heures, même dans la patrouille, en train d'attendre un secours. Donc ça, c'est déjà super rassurant. On dit, il y a du temps devant nous. Quand j'ai discuté avec lui, il avait le grab bag quasiment sur lui, accroché à un mousqueton. Voilà, il faut. C'est une leçon. Franchement, il y a des trucs à apprendre, et en particulier sur l'accessibilité des balises de positionnement précises quand on se retrouve embarqué comme ça en deux minutes sur un bip. Quoi. Eric, est-ce que tu as aussi été rassuré par le fait que ce soit Jean qui soit le premier sur le lieu de l'accident ? Ah bah c'est sûr, Jean, il fait de l'IMOCA comme on fait du vélo. Quoi. Donc, il est capable de manœuvrer très facilement, il connaît tout ça par cœur. Donc, c'était la meilleure personne, en plus avec l'expérience qu'il avait eue de l'autre côté. Donc c'était la meilleure personne. Bon, en plus on sait qu'il aurait rien lâché, donc voilà. Après il faut une petite part de chance, mais bon, Jean depuis le début de ce Vendée de toute façon est exceptionnel, donc c'était quelque part quelque chose d'assez naturel pour lui, en plus d'aller cueillir Kevin. Cet épisode a quand même mis aussi un énorme zoom sur le sens marin et l'immense Jean Le Cam, qui est quand même aussi le héros de cette histoire et qui est un type formidable. Il a cette course dans le sang, il a ce Vendée Globe dans le sang, il est cash, il ose dire des choses, mais ce qu'il a fait là, c'est quand même extraordinaire. Je trouve qu'il y a un son qui est très fort, Alexis, dans le montage que tu as fait, c'est celui de Sébastien Simon. Moi, c'est lui qui m'a vraiment, quand il expliquait qu'il redoutait, qu'il avait la boule au ventre, on sent quand même, voilà, ce que dit Eric est tout à fait juste, c'est-à-dire que Jean a tellement d'expérience. Sébastien, évidemment, aurait, je pense, réussi, mais on voit bien qu'effectivement, cette opération-là, menée par un bisu autour du monde, par un jeune marin qui, effectivement, dans les heures qui précèdent, sent qu'il est quand même au bord de la rupture, même lui, on le sent qu'il est très touché, très marqué. Est-ce que l'histoire aurait été la même ? Donc, tout ça, c'est encore une fois dans la grande histoire du Vendée Globe, mais ça montre quand même que ce qu'ils vivent est complètement barjot, quoi. Enfin, c'est fou. Après, ce que disait Eric tout à l'heure sur le fait que Kevin n'ait pas pu prendre de tous les moyens qui étaient normalement prévus, je crois qu'il le dit assez bien au début. Il n'a pas eu le temps, en fait, Eric, manifestement, de prendre tout le matériel qui était à sa disposition. Après, je ne connais pas le cahier des charges en termes de sécurité, est-ce qu'il devait avoir des choses avec lui en permanence, mais en tout cas, quand on l'écoute, on comprend que tout s'est fait très vite et qu'il a agi effectivement dans une urgence presque vitale, quoi. Ouais, je pense que personne n'imaginait d'avoir à sauter dans son radeau en 4 minutes. Voilà, je pense que on se fait tous des scénarios de toute façon avant de partir pour dire voilà, si se passe telle chose, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Enfin, il y a une sorte de répétition qui se fait parfois par écrit pour certains, au moins dans la tête pour d'autres. Hein. On n'imagine pas en fait qu'on puisse avoir que 4 minutes. Si on a un quart d'heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure, on a largement le temps, en effet, d'aller récupérer le sac de secours, d'aller récupérer toutes ces balises, et d'envoyer aussi des messages clairs sur ce qu'on a pu emmener, ce qu'on n'a pas pu emmener sur son radeau. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qui était très inattendu. Mais il faudrait vraiment penser, en cas d'urgence, comment je peux enfiler une TPS, récupérer le matériel. Faut avoir peut-être des systèmes de mousqueton aussi pour solidariser. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas, un temps aussi court. Et maintenant que ça peut arriver, il va falloir l'avoir dans nos scénarios. Et ça va jouer sur la localisation, sur la manière dont on attache ces différents systèmes. Puisqu'il y a tout à bord, hein, on a tout. Ça ressemble à quoi le radeau de survie qui est à l'arrière de vos bateaux? Ça mesure combien? Il parlait de rations de survie qui étaient à bord, de l'eau qui était dedans. C'est quoi, ça fait 3 mètres carrés, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est une sorte de barque en plastique gonflable qui fait 1,50 m sur 1,50 m, donc en carré. Et dans les packs qui sont intégrés dans ces radeaux, il y a en effet de l'eau, des rations de survie, de la pyrotechnique, donc des fusées éclairantes, des feux à main. Par contre, il n'y a aucun moyen de positionnement de type balise, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on emmène avec soi. Il parlait d'un zip, c'est un peu comme une tente, c'est-à-dire tu peux le fermer complètement et puis ouvrir, puis faire coucou au copain qui vient de charger. Ouais, il y a une sorte de tente dessus qui peut permettre qu'on peut fermer. Alors c'est pas un truc super solide, hein, mais ça permet vraiment de se protéger des embruns. Il faut s'isoler du vent et ça on peut le faire. En effet, ce radeau peut se fermer avec une espèce de tente par-dessus. Au fond, c'est quoi? Parce que est-ce que ça peut se retourner? C'est quoi au fond où tu t'assois? C'est une plaque? C'est comme un matelas pneumatique sur lequel on s'assoit. Par contre, sous le radeau, il y a des espèces de poches qui se remplissent d'eau. Quand le radeau dérive, ce qui donne une stabilité au radeau. Alors après, s'il y a vraiment vraiment beaucoup de vent et vraiment beaucoup de mer, faut quand même avoir une position plutôt allongée dans le radeau. C'est relativement stable hein, quand même. Une fois que les poches sont bien gonflées, c'est relativement stable. Et c'est orange couleur tourmentin. C'est jaune ou orange, mais c'est très visible, ouais. Très visible, dès qu'il y a des vagues, on voit pas, hein. En hauteur, ça doit monter à 1,50 m, même pas à 1,20 m de haut, je ne sais pas trop exactement. Mais voilà, dès qu'il y a 4 mètres de creux, ça ne se voit pas. Hein, ça se voit pas. Écoute, merci Raphaël pour ces questions, parce que finalement, tout ce que vient de raconter Eric, on l'avait assez peu entendu cette semaine. On n'avait pas trop eu la description précise de ce qu'est un radeau de survie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne du sens aux formations qu'on a, puisqu'on est entraîné pour pouvoir nager avec ces fameuses combinaisons TPS, pour pouvoir embarquer dans un radeau qui est gonflé quand on est dans la patouille. Comme on a des bateaux qui sont insubmersibles, mais comme la meilleure protection, c'est de rester sur son bateau, l'idée qu'on a, c'est le radeau, jamais, quoi. Si tu vas dans ton radeau, c'est déjà un pas vers vraiment quelque chose qui... Ça craint, quoi. Quand tu mets dans ton radeau, c'est vraiment que tu es vraiment en grosse, grosse difficulté. Et alors, sur la question centrale technique de cette semaine, à savoir comment est-il possible qu'un IMOCA... casse en deux et coule. On n'est pas complètement certain que l'intégralité du bateau est coulée, mais en tout cas, il n'en reste pas grand-chose. Eric, est-ce qu'on a déjà des explications, des hypothèses, ou est-ce que c'est trop improbable pour en avoir, et en plus, on n'aura pas les éléments du bateau pour faire le retour d'expérience? Non, je pense que là, maintenant, il va y avoir un beau dossier d'études avec les architectes, avec les constructeurs, pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est que tout de suite... les architectes ont été sollicités parce qu'il y a d'autres bateaux assez similaires, hein, en particulier le bateau d'Isabelle, hein, qui est relativement similaire, donc pour voir s'il y avait les risques de casse de la même façon. Donc il y a un vrai défaut quelque part. Alors le bateau n'était pas prévu pour avoir des foils au début, ça a été rajouté derrière. Alors, est-ce que c'est ces foils-là qui ont généré ça? Enfin, en tout cas, c'est complètement anormal d'avoir un bateau qui se casse dans une vague. Voilà, c'est pas possible. C'est pas des choses qui peuvent arriver. Donc il y a un vrai défaut quelque part dans la construction, dans l'architecture, dans la modification qui a été faite. Kevin dit qu'il a rajouté 200 kilos de carbone. Super. Il aurait peut-être fallu en rajouter encore plus. J'en sais rien, mais en tout cas, va falloir se poser les bonnes questions parce que c'est juste pas possible. On a du mal à imaginer. Moi, je suis pas ingénieur, je suis pas marin, mais j'essaie de visualiser ce que ça peut représenter. Qu'une étrave de bateau qui pointe vers le ciel parce que c'est cassé vraiment comme un spéculoos que vous prenez entre vos mains, ça, c'est vrai que ça paraît fou. En tout cas, enfin Eric est plus mieux calé que moi là-dessus. C'est une avarie qu'on n'avait encore jamais vue sur un IMOCA de mémoire. On a vu des IMOCA cassés, mais de cette façon-là, je crois pas en tout cas. Non, c'est jamais arrivé. On a vu ça sur des multis. Mon multi 50, quand il était en 60 pieds, avait eu cette mésaventure-là de l'étrave qui s'était cassée net. Hein. Donc c'est un vrai problème de structure. Hein. Je veux dire, on voit aujourd'hui des accidents aujourd'hui pour Arkea ou pour Sam. Bon, ils tapent fort dans des obstacles. On voit, c'est le puits qui morfle, il y a des fissures. Enfin, je veux dire, mais c'est pas les bateaux, ils sont pas en miettes, quoi. Je veux dire, ils sont fissurés, ça fissure là où il y a le choc. Normalement, le bateau, il va pas se casser en deux, quoi. Mais c'est vrai qu'avoir rajouté des foils sur un bateau qui était au départ pas prévu pour en avoir, est-ce que ça a pu je ne sais pas, hein, je pose une question de béotien, peut-être déséquilibrer le bateau sur les impacts. C'est clair que les folles, ça rajoute des contraintes et des forces qui n'étaient pas prévues dans la construction initiale. Donc maintenant, quand il y a des ajouts de folles qui se font sur des bateaux des générations précédentes, bon, ben, il y a des études, des calculs qui sont faits, il y a des architectes, des ingénieurs qui bossent là-dessus pour mettre les renforts qui vont bien. Et c'est vrai que ça ramène un petit peu le sujet de savoir si on ne fait pas des bateaux pour faire des transats et qu'on espère après faire un Vendée Globe avec, quoi. Et ce n'est pas les mêmes efforts, ce n'est pas les mêmes contraintes sur un Vendée que sur une transat, quoi. Et l'autre interrogation aussi, mais celle-ci un peu plus directe, c'est comment Jean Le Cam, tout comme les autres skippers des bateaux déroutés, c'est-à-dire Boris Herman et Yannick Bestaven, puisque malheureusement Sébastien Simon n'est plus en course, eh bien comment ces trois-là seront récompensés, ou en tout cas compensés en temps? Ils vont avoir une bonification, parce qu'évidemment ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'énergie, de l'influx nerveux, ils ont perdu peut-être leur système météo. Est-ce que vous avez fait vos petits calculs, vos petites estimations? Ouais, je pense que il faut que le jury prenne son temps, parce que tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas que la période de recherche où les bateaux sont détournés. Je pense que psychologiquement, pour redémarrer derrière, c'est costaud. Donc ils étaient tous très fatigués à la sortie. Et d'ailleurs, ouais. Yannick Bestaven a eu une petite avarie juste après. Sébastien Simon, c'est dans les 24 heures qui suivent qu'il a son bon, ça n'a rien à voir évidemment, mais en tout cas, peut-être que dans la concentration, en tout cas, tout le monde en a pris un coup. Oui, et puis c'est épuisant, c'est-à-dire faire du quadrillage, ça veut dire enchaîner des manœuvres. Faire des virements de bord dans de la grosse mer, c'est super compliqué sur ces bateaux-là. Et puis après, il y a aussi toute la problématique des systèmes météo, quoi. En quelques heures, on peut se retrouver vraiment derrière une dépression, d'être devant elle, et ça change du tout au tout, quoi. Le jury, de toute façon, va avoir accès à tout ça, au rapport de course fait par la direction de course. Tu le disais, il faudra qu'ils prennent son temps. Je crois avoir lu sur westfrance.fr, Raphaël. T'as de bonnes lectures, Alexis, je le savais. Que c'était prévu pour peut-être cette semaine. J'ai regardé comment ça s'était passé la dernière fois qu'il y a eu ce cas de figure, c'est-à-dire en 2008-2009, pour les différentes compensations, notamment pour Marc Guillemot et Samantha Davis, qui s'étaient déroutés pour aller assister Yann Eliès. Le jury avait mis, je crois, 16 jours entre le moment de l'accident et l'annonce des deux bonifications pour Marc Guillemot. Donc c'était 82 heures à l'époque pour Marc Guillemot et 32 heures pour Samantha Davis. En tout cas, Raphaël, dans la lecture maintenant qu'on va avoir de la course, ça va un peu compliquer le suivi, parce qu'il va falloir faire des additions et des soustractions, parce que ça va être calculé en heures. Donc il va juste falloir imaginer à quelle position ils auraient pu se retrouver 10, 12, 15 heures avant, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je pense effectivement qu'Eric a raison de dire qu'il faut du temps. La question que je me pose, c'est est-ce que les concurrents qui sont concernés, quand ils sont dans la course, est-ce qu'ils pensent à ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que Yannick Bestaven a besoin de savoir maintenant, dans les prochaines heures ou prochains jours, quelle compensation il va avoir? Ou est-ce que ça lui est pour l'instant totalement étranger, il l'a sorti de son raisonnement? Je pense que c'est plutôt par rapport à eux qu'il faut mesurer ça. Est-ce que psychologiquement, un Boris Herman, un Yannick Bestaven et un Jean Le Cam se disent « Je sais que j'ai peut-être tant de jours ou tant d'heures que je vais récupérer. » Là, moi, très honnêtement, dans la lecture que je fais du classement, pour l'instant, je ne prends pas en compte ça. Je me dis pas ça. Mais je me dis effectivement, j'ai vu comme toi la vidéo de Yannick Bestaven. Je l'ai trouvé extrêmement marqué physiquement et psychologiquement de cette aventure. L'impact que ça a, Eric a raison, il se mesure même pas en heures et en jours. Il se mesure effectivement sur un impact sportif. Donc, est-ce qu'il a besoin de savoir ce qu'il va récupérer, ou est-ce que s'il l'apprend dans sa remontée de l'Atlantique, je ne sais pas. Il faudrait en effet leur poser la question directement, mais à mon avis, ça leur est franchement aujourd'hui, ça leur passe au-dessus de la tête, parce que c'est si vraiment ils avaient loupé un système et se retrouvaient plantés dans la pétole derrière, là, ils diraient, putain, fais chier, j'ai pas pu raccrocher mon truc. Là, aujourd'hui, ils font leur course, ça n'a pas changé dramatiquement leur positionnement par rapport à la flotte. L'intérêt, c'est quand même, ça s'est fait relativement vite. Même s'il y a une douzaine d'heures de récupération pour les trois bateaux et peut-être 20 pour Jean, voilà, ça modifierait n'est pas le classement à l'arrivée. En l'occurrence, en 2008, ça avait considérablement modifié le classement parce que Samantha Davies était arrivée troisième, mais elle était classée quatrième parce que Marc Guillemot, avec sa bonification, avait remonté d'une place. Et puis, si on se fie au dernier Vendée Globe, par exemple, il y a trois bateaux qui sont arrivés quatrième, cinquième, sixième en 3 heures. Donc, dans ces cas-là, ça peut avoir une incidence directe. Raphaël, faudra que tu penses à prendre ta calculette dans ta valise pour les sables mi-janvier. Je vais la mettre tout de suite. Alors la course a été mise en parenthèse, entre parenthèses, pendant quelques heures, lundi et mardi. Elle est revenue sur le devant de la scène petit à petit. Elle est revenue d'ailleurs déjà dans notre discussion là, mais on va continuer à parler de la course et de l'aspect un peu plus sportif. Malheureusement, ça a été un peu l'hécatombe cette semaine parce que après Kevin Escoffier, il y a eu deux autres abandons. Sébastien Simon sur Arkéa Paprec et Samantha Davies sur Initiative Cœur, tous deux victimes de problèmes de ki, tous deux suite à des chocs avec des ophnies. Sam, elle, il faut le noter, va essayer de réparer son bateau au Cap en Afrique du Sud et va essayer de repartir hors course pour boucler son tour du monde, pour sauver un maximum d'enfants victimes de malformations cardiaques dans le cadre de son projet avec Initiative Cœur. Mais donc on a perdu cette semaine trois des principaux outsiders qu'on avait imaginés avant la course, en sachant qu'il nous manque déjà quelques gros clients, Thompson et Troussel qui avaient abandonné, Bayou qui était reparti avec 9 jours de retard, résultat en tête du classement. On a toujours Charlie Dalin. Armel Tripon, mais qui revient très très fort. Attention, on reparlera peut-être de lui dans quelques jours et quelques semaines. Et donc en tête du classement, on a toujours Charlie Dalin, 13e jour consécutif, ou 14e même peut-être pour Apivia, cavalier seul avec plus de 200 000 d'avance désormais sur ses deux poursuivants. Au nord, Thomas Ruyant, et au sud, Louis Burton. En revanche, si on compare avec les temps de passage de 2016, on constate que le retard est considérable, environ 4 jours et demi. Si vous voulez voir ça sur une carto, pour voir où se trouvait le duo Thompson-Lecléache au même moment il y a 4 ans et où se trouve Charlie Dalin actuellement, je vous donne rendez-vous sur le compte Twitter CapVG20. Ça a été posté vendredi à 18h34 si vous voulez retrouver cette carto. C'est un excellent compte Twitter derrière. N'est-ce pas? Eric, toi, ça te fait dire peut-être qu'on ne battra pas cette année le record de 74 jours. En tout cas, là, on n'est pas parti. Ah, j'ai du mal à croire qu'on puisse battre le record. Je veux dire, j'ai l'impression que les deux seuls qui étaient vraiment motivés pour pousser à fond leur monture, quitte à casser, parce qu'ils voulaient absolument gagner, c'est Alex et Jérémy, quoi. Donc comme on avait il y a 4 ans Armel et Alex qui se tiraient la bourre, là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette optique là et c'est pas dans cette optique là depuis le début de la course, hein. Quand on voit des bateaux à dérive qui se tirent la bourre avec les foilers de dernière génération, quoi, c'est moi ça me choque. Ça me choque pas qu'il y ait des bateaux neufs qui cassent. Moi ce qui me choque, c'est qu'il aurait pas mis la tôle dans la descente, quoi. Pour prendre exactement ce que tu dis, Charlie a clairement dit, juste avant de mettre le clignotant à gauche à Bonne-Espérance, il a clairement dit qu'il allait jouer plutôt sur son sens marin, d'aller préserver son bateau et le bonhomme, et il le fait pour l'instant remarquablement bien, et je suis d'accord avec toi, il n'est pas parti dans l'idée d'aller faire exploser le chrono, il est parti dans l'idée, lui, de gagner le Vendée Globe, et de tout faire pour, d'aller chercher la bonne trajectoire. Il navigue très très bien. Je pense effectivement que cette barre des records, tout le monde aurait aimé qu'elle saute, mais je pense qu'effectivement elle ne sautera pas parce que Charlie et les autres derrière, même Thomas, sont en train de se dire, si on veut bourriner, pardonnez-moi l'expression, on va jamais y arriver. Le but, c'est d'amener le bateau au bout et le chrono, ce sera autre chose, je pense. Mais maintenant qu'il n'y a plus Alex, je pense qu'on va retrouver une régate, quasiment la régate de Figaro dans le Grand Sud, c'est-à-dire que Charlie va faire de la tactique, hein. Voilà, il va pas essayer de prendre 2000 milles d'avance, hein. Il va se contenter d'avoir 150, 200, peut-être 300 milles s'il y a des opportunités de creuser un peu, hein. Mais son but, ça va être de rester, voilà, il va rester entre ses suivants et puis la ligne d'arrivée, quoi. Et donc, si on revient au classement, au moment où on enregistre, en tout cas, on est samedi et il est un peu plus de 18h. Derrière le trio de tête, on a un groupe de 7 poursuivants, dont 3 qui sont sur des bateaux à dérive, et le premier d'entre eux, c'est Damien Seguin sur Groupe Apicil, un probable quatrième à l'heure où on se parle. Alors évidemment, c'est sans compter sur les compensations dont on a parlé juste avant. Fictivement, il est peut-être sixième ou septième, mais quand même, qui aurait imaginé le retrouver ici après 4 semaines. Raphaël, tu avais envie d'éclairer un peu ce début de course de Damien, et on peut aussi d'ailleurs mettre dans le lot Benjamin Dutreux qui est 7e actuellement. T'es impressionné par ces deux skippers-là? Je pense que je suis pas le seul à être impressionné et surpris de voir ça. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ils ont un point commun, c'est qu'ils ont un bateau à dérive, effectivement, un non-foiler, comme on dit maintenant, pour les grands spécialistes de voile que nous sommes. Mais c'est tout ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Damien, c'est, il faut le rappeler, un coureur handicapé. Il a une main en moins, quand même. C'est totalement fou d'imaginer ça. C'est quelqu'un qui a quand même une culture aussi de la course large qui commence à être bien, bien garnie, parce qu'il a fait du Figaro, il a fait du Classe 40, il a été champion olympique et champion du monde sur des tout petits bateaux. Mais ce qu'il est en train de faire là, moi, effectivement, me scotche complètement. Là aussi, on en revient un peu à la philosophie de course qui anime ceux qui sont devant. Il essaye de bien naviguer, il essaye de se préserver, il essaye de choisir la bonne option, d'être au bon endroit, au bon moment, plutôt que d'aller très vite. Et Benjamin est dans cette même philosophie. Lui, il est bisu du Tour du Monde, un peu comme Damien, mais il n'a pas du tout ce passé qu'a Damien Seguin sur d'autres supports. C'est un figariste, c'est quelqu'un qui est arrivé assez vite, finalement, en Imoca, avec un projet qu'il a mis du temps, avec un sponsor qui a changé au mois d'août. Donc, ce qui vraiment il est en train de réaliser là, me scotche un peu, ouais, clairement. Et Damien Seguin, dont le bateau a été préparé chez Jean Le Cam, il n'y a pas de hasard. Eric, ouais, impressionné aussi? Ouais, je ne suis pas surpris par leur performance. Ils l'avaient montré en termes de vitesse sur la dernière Jacques Vabre. Donc, ils ont des bons bateaux, qui sont bien préparés, qui savent faire avancer. Ce qui me surprend, c'est qu'ils envoient comme ça. Au-delà de leur capacité en termes de perf, ça ne me surprend pas, c'est le fait qu'ils arrivent à maintenir quand même ces moyennes, à rester dans le paquet, rester concentrés, c'est vraiment c'est exceptionnel. Et je pense aussi on peut ajouter Maxime derrière, qui n'est pas très loin, et pareil, qui vraiment fait une très très belle course. Je pense que ces trois-là sont vraiment, vraiment complètement dedans et ont envie vraiment d'aller vite, quoi. Et ils mettent pas toutes les précautions que peuvent mettre les derniers foilers, par exemple. Rien ne se passe comme prévu en 2020, et donc les bateaux à dérive bataillent avec les bateaux à foil. Et puis non seulement Damien Seguin navigue très bien, mais en plus il n'oublie pas ce qui se passe à terre. Je l'ai vu à plusieurs reprises ces derniers jours sur France Télévisions, et vraisemblablement c'est Damien qui a contacté lui-même Samuel Etienne pour parler notamment du Téléthon. C'est quelque chose qui lui tient à cœur forcément. On en profite d'ailleurs pour rappeler le numéro du Téléthon, c'est le week-end 36-37, mais donc c'est lui qui a fait la démarche de contacter la Terre. Et puui, ça n'a rien à voir, mais Damien Seguin est aussi en lice pour être élu marin de la décennie. Ça veut tout dire. C'est une opération qui est lancée par la Fédération Française de Voile. Chaque année, elle désigne habituellement le marin de l'année. Le prix est d'habitude remis au Salon Nautique par la FFV, mais en 2020, forcément, tout est un peu particulier. Donc le marin que vous pourrez élire jusqu'au 17 décembre, c'est le marin de la décennie sur le site marindécennie.fr. Il y a 10 candidats, dont Damien Seguin, donc au titre notamment de sa médaille d'or paralympique aux Jeux de Rio en 2016. Mais il y a aussi les deux derniers vainqueurs du Vendée Globe, Armel Lecléache et François Gabart. Avant de se quitter, messieurs, c'est l'heure du petit jeu de prédiction de ce podcast. On a débriefé ce qui s'était passé cette semaine. Maintenant, je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Et attention, ce ne sont pas des paroles en l'air. Comme d'habitude, on réécoutera tout ça avec les invités de l'épisode 5 la semaine prochaine. Il y a 8 jours, j'étais avec Roland Jourdain et Alexandre Chenet, et voici ce qu'ils avaient pronostiqué. Normalement, Charlie est parti pour quelques temps devant. Je vais mettre Dalin au passage du Cap de Bonne-Espérance, ce serait bizarre de dire autre chose. Charlie, il va passer ça le 30 à 10h du mat française, allez. En faisant un calcul tout bête, je le mettrai lundi entre midi et 13h. Plutôt vers 13h que vers midi. Vraiment, Alexandre, il est bon parce que je viens de faire un petit routage vite fait là. Et Charlie, j'ai mis 10h, t'as mis 12h30 toi. Je pense que t'es mieux que moi. J'espère qu'on va voir certaines personnes qui sont pas bien mises en valeur et qui pourtant j'en attendais plus. Je pense à Alain Roura, il est 18e. Allez, il peut quand même remonter une place, deux places, trois places, quatre places. Allez, soyons fous, il remonte 4 places. Et Jean Le Cam, dans une semaine, il sera... il sera 6-7, je pense, un truc comme ça, quoi. Oh, Bon, eh bien, c'est pas si mal, hein. Cette semaine, ils ont été forts, tous les deux. Charlie Dalin en tête à Bonne Espérance, évidemment. Alors, c'était un peu plus tard, en revanche, hein, dans la nuit de lundi à mardi, à minuit 11 précisément. Donc, Alexandre, un peu plus proche que Bilou. Quant à Alain Roura, oui, effectivement, il a remonté 4 places, mais c'est uniquement grâce aux abandons devant lui. Il avait passé une semaine un peu compliquée, le pauvre Alain. Et Jean Le Cam, eh bien, il est 6e, exactement. Donc, ils ont été bons, tous les deux. On va voir si vous aussi, Eric Nigon, Raphaël Bonamy, vous allez pouvoir nous dire précisément ce qui nous attend dans les prochains jours. Allez, on commence par Raphaël. Bah, on en a un peu parlé tout à l'heure. Moi, je surveille de très très près la course de Arbel Tripon, qui effectivement est en train de faire un truc... je suis très très intéressé par ce qu'il est en train de faire sur cette course. Il a choisi une option d'aller flirter avec la zone d'exclusion des glaces. Donc, je pense que ça raccourcit un tout petit peu la route. Il en a besoin. Surtout, il va vite. Et je pense que mentalement, il est parti pour faire un gros truc aussi. Je crois que c'est, Eric le disait bien tout à l'heure, la dimension psychologique de la course, elle est essentielle. Il suffit pas simplement de bien faire avancer son bateau, mais il faut être en phase aussi avec son bateau et avec ses objectifs de course. Armel, je le vois bien gagner encore 4-5 places en une semaine. Il va quasiment 3-4 nœuds plus vite que les concurrents qu'il vient de doubler et auprès de quels il est maintenant. Il va, je pense, très rapidement recoller sur cette espèce de paquet là, peut-être de tous ces bateaux qu'on a évoqués tout à l'heure, les bateaux à dérive, mais en tout cas il est en train de faire un retour pleine balle, comme on dit. J'ai fait quelques calculs tout à l'heure, il a navigué pendant 5 jours, donc entre dimanche 22h et vendredi 22h à 18,7 nœuds de moyenne, il n'est jamais descendu sous les 15 nœuds. Et en plus Alexis, il a pris une route très éloignée de la route directe, il est parti quasiment dans l'ouest au Brésil pour aller contourner la dorsale de Sainte-Hélène, et donc il est en train de faire le coup de la cuillère célèbre pour les figaristes, et non, vraiment là, sa trajectoire, elle est vraiment impressionnante, et il va vite. Ma question pour toi, Raphaël, il est 15e actuellement, Armel Tripon, est-ce qu'il sera dans le top 10 la semaine prochaine à la même heure? Allez, je vais dire oui. Ça, c'est une belle cote. Et sur la tête de la flotte, comment tu la vois dans une semaine? Est-ce qu'on aura atteint le cap Lewin déjà? Non, je pense pas. Je pense que, comme disait Eric, Charlie va rester devant et il va maintenant regarder ce qui se passe dans son rétroviseur. Alors, c'est pas forcément une position toujours très confortable. Et pour l'instant, il a tout juste, quoi. Il n'a pas fait d'erreur. Il fait, je pense, la course qu'il a choisi de faire. Et dès lors que tu ne subis pas ton Vendée Globe, je pense que tu le vis bien. Et donc, tu mènes bien ton bateau. Eric, à ton tour, j'ai 3 questions pour toi. Qui en tête dans une semaine? Est-ce qu'on aura franchi le cap Lewin dans une semaine? Et qu'est-ce que tu vois? Quel fait marquant tu attends dans les prochains jours? Quel skipper tu vas particulièrement regarder? Quel positionnement? Ouais, je pense pas qu'on sera à Lewin encore dans une semaine. Ça va être un peu juste. Parce qu'en effet, je pense que Charlie va vraiment assurer rapport aux problématiques de mer en particulier qu'il pourrait rencontrer. Par contre, moi, je crois que Louis... lui va pas lâcher et il m'impressionne parce que ça fait bientôt un mois qu'il est à fond. Là, il va être encore à fond et je pense que il peut vraiment aller chatouiller Charlie dans une semaine. Je pense que il a 7 heures de pénalité. Hein. Il faut rappeler qu'il a eu 7 heures de pénalité, 5 heures au départ de 2 heures de mémoire ou d'une heure. Bref. Non, c'est une heure, en tout cas, je crois, la deuxième. Il a eu 6 heures de pénalité, c'est incroyable. Effectivement, Eric a raison de le souligner. La course qu'est en train de faire Louis Burton sur un bateau qui connaît bien la route. Et je pense que si Charlie doit surveiller quelqu'un, c'est Louis. Donc ça c'est pour la tête. Après, je pense qu'on va commencer à voir si Jérém arrive à choper la dépression là qui est juste à son sud. Là, s'il arrive à rentrer et à passer devant, je pense qu'on va commencer à voir le retour de Monsieur Bayou qui va commencer à assurer. Et s'il peut arriver à tenir cette dép sur une grande partie du sud, il va vraiment faire une remontée d'enfer. Je sens bien le début du grand retour de Jérémy Bayou. Ça veut dire que dans une semaine, il peut avoir peut-être doublé le groupe de 6 ou 7 qui est devant lui? Il va doubler le premier groupe, là, sans problème, là, c'est sûr, celui où il y a Clément. Il va certainement rattraper Pipe, et il va coller au groupe devant, quoi. Et ça va être intéressant parce que s'il n'a pas de soucis techniques, lui, il va vraiment être en mode je lâche rien, ça c'est sûr, hein. Il va envoyer. Alors on va intituler cette semaine la semaine des revenants avec un Armel Tripon qui doit retrouver le top 10 selon Raphaël Bonamy et un Jérémy Bayou qui sera dans le top 20 du coup selon Eric Nigon. C'est dans la boîte, mais si, on vérifiera tout ça dans une semaine. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Merci de ton invitation. C'était l'épisode 4 du Club VG20 qui reviendra évidemment dimanche prochain avec deux autres membres du club. Ce sera, je l'espère, en tout cas un format un peu plus classique, donc vous pourrez de nouveau cette semaine proposer un thème pour le podcast. Vous me direz votre fait marquant de la semaine sur Twitter. Merci à vous d'ailleurs pour votre fidélité et votre confiance. Le compte Twitter a reçu de très nombreux messages cette semaine, ça fait très plaisir. Près d'un million de vues pour les tweets de Cap VG20 lundi et mardi. La barre des 2000 followers a été dépassée. Merci beaucoup et tout ça continue évidemment jusqu'en février. On n'oublie pas non plus de noter le podcast, de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Il est dispo de toute façon sur toutes les plateformes d'écoute. À dimanche prochain.